Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-imam al-allama al-shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-faslu al-thani fi dhikr al-umur التي يستمد منها الإيمان. On a fini, ولله الحمد, le premier fasl, la première partie du livre sur l'Iman, sa définition, كذلك les adillah, les arguments, من القرآن, les preuves, من القرآن, من السنة, que la foi c'est dans le cœur, كذلك c'est des paroles avec la langue, كذلك c'est des actions avec les membres. كذلك dans le dernier dars, on a vu un point important sur زيادة الإيمان ونقصانه, l'augmentation de la foi et la diminution. ثم, dans ce fasl, et c'est le sujet d'aujourd'hui, ذكر رحمه الله بعض الأمور التي يستمد منها الإيمان. أي, des causes pour que notre foi elle augmente. قال رحمه الله وهذا فصل عظيم النفع والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به ومعرفة واتصافا. نعم, هذا الفصل il est très très important pour المؤمن. لماذا؟ لأن on sait ولله الحمد أن الإيمان c'est la cause de réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et on sait que anna hadha al-iman il augmente et il diminue. Fa al-muwaffaq, celui qui veut al-khayr et celui qui espère le bien, espère réussir, il doit faire des efforts pour que ce iman il augmente. Et pour pouvoir faire des efforts pour qu'il augmente, on doit savoir comment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fa li hadha il a cité hadha al-fasl al-jamil wa taqaddam ma'ana dans le dars précédent. On a envie, à une époque, un akthar an-nas, leur souci, hammuhum, leur objectif, c'est d'augmenter leur bien par rapport à dunya, l'argent, etc. Les mandali an-nahum, ils aiment ces choses. Ils sont attirés par ces choses. Et si on prend l'exemple des kuffar, la yu'minuna bil-ghayb, ne croient pas en l'invisible, ne croient pas en le jannah ou an-nar. Et même ceux qui croient, mina al-yahoud wa mina an-nasara, c'est un iman corrompu avec al-shirk wa al-batil, etc. Falihada, ils ne font pas d'efforts pour al-akhira. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à ce bas monde. Ça nous montre quoi? Ça nous montre un celui qui aime une chose, qui espère acquérir une chose. Cette chose, ça devient son objectif. Il fera des efforts pour s'améliorer dans cette chose. Observe n'importe qui, fit dunya, dans ton entourage, tu verras que ses efforts, ses objectifs, sa façon de vivre, c'est par rapport à ce qu'il aime. Certains, ils aiment le sport, enfin, tout tourne autour du sport. Il travaille vraiment parce qu'il n'a pas le choix, il a besoin de manger, et même beaucoup de choses qui sont liées à son sport, et ça a besoin d'argent, enfin, même son travail il est lié au sport. Je trouve, Al-Bard, c'est une secte, enfin, tout ce qu'ils font, c'est par rapport à la secte. Tu trouves d'autres, ils ont la passion de la musique ou du cinéma ou autre. Tu trouves les efforts, c'est fihada. Et cette chose, كذلك, ils prennent des modèles. Donc ça devient leur objectif. Thomas, ça devient leur vie de tous les jours. Ils font des efforts dans ce point. Et كذلك, ils prennent des modèles. Matalan, ceux qui aiment le sport, ils ont des modèles. Tel sportif. Ceux qui aiment la chanson, ils ont des modèles, tel chanteur, etc. Chacun sa fitna. Tu trouves d'autres, c'est... Ils pensent qu'aux maisons, à construire des maisons, à acheter des terrains. D'autres, tu trouves, ils pensent qu'à l'agriculture. Ils aiment l'agriculture. Il a un relais. Chacun, il est attiré par une chose. Al-mu'min, qui a un iman qawi. Et ce iman, il est fondé sur l'ilm. Et ils connaissent ce qu'on vient de citer ensemble, qu'on vient d'étudier ensemble, wallahilham, dans la première partie de ce livre. Son objectif, ça doit être de renforcer هذا الإيمان. لماذا لأن ces quelques années que tu vas rester ici, أولاً, tu ne sais pas combien de temps tu vas rester. لماذا s'accrocher à une chose Peut-être que tu vas préparer et ça s'arrête du jour au lendemain. Tu n'as même pas fini. Ça contredit la raison et que ça contredit les fondements de notre dîn. On répète, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts, on n'a pas le droit de pratiquer un sport ou là, ça n'a rien à voir avec ça. On parle de priorité, de penser qu'à cela et délaisser son dîn. Avec ses conditions, bien sûr. Enfin, Hadala, je sais que ça contredit la raison. Wahed, il se met à fond dans une chose, il délaisse le principal, il délaisse son dîn. Cette chose, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Enfin, c'est quoi le fa'ida? Kedhalik Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, il ne t'a pas créé pour ça. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est la foi. Ça peut être une adoration du cœur, ça peut être une adoration avec la langue, ça peut être une adoration avec les membres. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans la foi. L'iman, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour ça. Enfin, on n'a pas le droit de délaisser tout cela pour une passion éphémère. Et l'ange de la mort, il peut venir à tout moment et il viendra. Voilà, chèque. Et à la fin, l'insan, il perd tout. Alors que le mu'min, le muwaffaq, il prépare l'au-delà en faisant des efforts dans l'iman et faire des efforts pour que cette foi l'augmente afin de faire partie des gens du paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala niyaj'alana minhum et au paradis, il aura ce qu'il veut éternellement. Celui qui aime telle chose, celui qui aime telle chose. Hatta ja'a fil hadith anna al-ba'd izama l'agriculture, nasit al-hadith. Je me rappelle bien al-ma'na, annahum ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à vérifier bien sûr par rapport à l'agriculture et il leur a montré que fil janna chacun il a ce qu'il veut. Fa fil janna fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et كذلك كذلك aucun cœur n'a imaginé. Donc, vaut mieux patienter. وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّمْ. On patiente. C'est que quelques jours. Quelques jours. Allah, on aime combien de temps il nous reste. ثُمَّ الْمُؤْمِنِ. Après, هَذَا الْجِهَادِ الْعَظِيمِ. Et ses efforts, ses sacrifices fi dunya. Il aura ce qu'il veut fi l'akhira que d'inverser les choses, se précipiter et faire partie de ceux qui n'ont pas réussi, qui ont tout perdu, ou qui ont délaissé des choses très très importantes. هذا الفصل il est مهم جدا. قال الشرسادي رحمه الله وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة. C'est رأس مالك, c'est ton principal capital. الإيمان هو كمال العبد. Tu veux être élevé ici-bas ou dans l'au-delà, c'est par rapport à ta foi, par rapport à rien d'autre. Ni ta couleur de peau, ni ton argent, ni ta taille, ni ton poids, ni ton origine, ni tes connaissances. Tout ça, c'est d'aucune utilité sans l'iman. Et ça ne change rien. Tu sois telle ou telle couleur, ça ne change rien. Qala, wa huwa sabab wa tariq li kulli khayr, ajil wa ajil. L'iman, c'est la cause et c'est le chemin qui conduit au bien. Que ce soit ici-bas, ou dans l'au-delà. قال رحمه الله ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد. Après avoir cité les bienfaits, l'importance de l'iman, il a fait cette remarque أنه لا يقوى ولا يتم. Hey, tu peux pas le renforcer. Tu peux pas parfaire هذا الإيمان sans connaissance. نعم, c'est comme si on te demandait d'emprunter un chemin. Emprunte un chemin d'un point A à un point B, tu ignores ce chemin. Enfin, comment arriver au point B? Mais attends, c'est-à-dire, si tu ignores le chemin. Enfin, hakad al-iman, comment monter en degré si tu ignores la façon, le chemin pour monter? Qala rahimahullah wa ila yambu'ihi wa asbahi bi wa asbabihi wa turuqihi. Na'am. Qala wallahu ta'ala qad ja'ala li kulli matloubin sababan wa tariqan yusilu ilayh. Ça, c'est très très important. Chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré des causes. Tu veux la réussite, le bonheur, la foi, il y a des causes. Contrairement à ce que al-juhal, ils disent, les ignorants, ou certains ignorants, ils disent, la foi c'est dans le cœur, mon cœur il est blanc. Ka'annahum, ils ont une foi parfaite, thumma aucun effort. À cause de leur ignorance, leur fierté, pour certains l'orgueil, et ils se font du mal. Robama, il délaisse toutes les obligations. Et il fait beaucoup de haram. Et à la fin, il te dit, mais c'est dans le cœur, mon cœur, il est blanc. هذا سي من الجهل العظيم. أما celui qui connaît الطريق, qui connaît la façon de faire, comment augmenter sa foi, هذا, cette connaissance ne suffit pas. Faut connaître et faut mettre en application. قال والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. Chaque chose que tu désires, chaque objectif, il a un tariq, il a une voie à suivre. Et pour arriver à l'objectif, tu dois emprunter cette voie. هكذا الإيمان. On doit avoir comme objectif d'avoir un iman élevé. Pour atteindre cette foi élevée, il y a une voie. C'est quoi cette voie? Il a cité, rahimahullah, plusieurs points pour renforcer son iman. La lecture du Coran, apprendre sa aqida, faire les obligations, etc. قال رحمه الله وقد جعل أو قبل ذلك قال والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها. صحيح أن البعض ils ont des objectifs. Et كما قال الشيخ رحمه الله أن chaque objectif il y a une voie qui a emprunté pour atteindre cet objectif. On a cité l'exemple du sport, de la musique, d'autres c'est l'agriculture, d'autres c'est Madrid, et j'ai beaucoup d'exemples. Tu peux citer toutes les passions qui sont propagées dans cette dunya. Et أعظم وأهم وأعم هذه المطالب أعمها نفعا c'est l'iman. C'est l'objectif le plus important, le plus pur, le plus bénéfique, le plus profitable. وقد جعل الله له مواد كبيرة نعم وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه. Comme le corps, كذلك, si tu veux avoir la bonne santé, tu dois faire des causes, bien manger, etc. pour renforcer ton corps, pour être fort physiquement, etc. هكذا الإيمان مواد, des choses à prendre, à faire, à éviter pour préserver, augmenter cette foi et faire attention que cette foi ne diminue pas. قال كما كان له أسباب تضعفه وتهويه وتوهيه نعم وتوهيه نعم أي qu'il le diminue. هكذا الإيمان il a des causes pour être augmenté ou pour être diminué. قال ومواده التي تجلبه وتقويه أمران مجمل ومفصل. Il a divisé ses causes en deux. Une première partie, min hayth al-ijmal. Il va citer quelques phrases pour montrer globalement comment augmenter sa foi. Et en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et globalement, c'est ça. Thumma mufassal, il va citer des détails. La lecture du Coran, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre les noms d'Allah, les attributs, etc. Qala, amma al-mujmal, fahuwa al-tadabburu. لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها. Donc, المجمل, globalement, pour augmenter sa foi, tu dois donner de l'importance à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment lui donner de l'importance? بالتدبر. La lecture, la méditation, la concentration, la recherche des sens, et pour que tout cela soit profitable, la mise en application. Que ça soit le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, le deuxième point, on est toujours dans la façon globale, la manière générale pour augmenter sa foi. At-ta'ammul li ayatihi al-kawniyya, ala ikhtilafi anwa'iha. Al-ayat al-kawniyya, c'est tout ce que Allah il a créé. Fabit-ta'ammul, en réfléchissant sur toi-même, ton corps, tout ce qui t'entoure. من السماء والأرض والشمس والقمر والأشجار والبحار et tous ces animaux, l'océan, la lune, les étoiles, etc. الذي يتأمل et il n'est pas في غفلة. Son cœur, il n'est pas souillé, sali par les péchés, l'insouciance, le fait de penser qu'à dunya, le fait de réfléchir à ce que tu vois autour de toi, ça te fera monter l'iman. لماذا لأن c'est Allah سبحانه وتعالى qui a créé tout cela, qui gère tout cela. Et le fait de méditer vihada, ça fait monter l'iman. قال رحمه الله والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق. Et ces deux points sont essentiels. الحرص على معرفة الحق. Tu dois avoir cette envie, faire des efforts pour connaître Al-Haq. Comme certains ils font énormément d'efforts pour connaître la façon de gagner de l'argent. Pardonnez-moi, ils font énormément de recherches pour être en bonne santé physiquement. Pardonnez-moi, ils font énormément de recherches dans les aliments, dans telles choses. Ils veulent éviter les choses chimiques, les choses néfastes, etc. Enfin, un tas, tu dois encore faire plus d'efforts dans la recherche de la vérité. Surtout à notre époque. Combien de groupes prétendent suivre Ahad al-Haq? Combien de gens ils prétendent appeler à la vérité? Fabel Hirs. Vous avez vu le mot qu'il a cité, Al-Hirs. Al-Hirs, c'est des efforts. C'est une recherche. C'est du temps, des sacrifices pour connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? Et là, on a un autre problème, c'est que Bardenas, ils recherchent des choses. Pour eux, c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité que Cheikh Saadi l'a cité. La vérité qui doit nous attirer, qu'on doit rechercher, c'est la vérité pour laquelle Allah il nous a créés. Allah il nous a créés. Pourquoi? Pour qu'on l'adore. Et l'adorer, c'est unifier Allah dans l'adoration. Il n'y a que lui qui mérite cette adoration, donc faire des efforts. Comment adorer Allah? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par où? Comment je dois faire? Etc. Malbard, ils font des recherches. Pour eux, c'est une chose, c'est. Ils appellent cela haqq, c'est des bid'a, des khurafat. Qala, ou l'amal ou bil haqq. Al-ilm, ça suffit pas seul. Al-ilm, c'est la première étape, c'est le moyen pour connaître ce haqq. Thumma, cette connaissance, cette science, ces efforts, ils seront utiles, profitables pour toi si tu mets en application. Al-Qur'an, hujjatun lak, ou alayk. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين فالله سبحانه وتعالى يسيت سوف العلم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دون دي احاديث ثم العمل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ceux qui seront sauvés de la perdition c'est ceux qui ont cru à l'iman c'est fondé sur l'ilm ثم ils mettent en application والا des connaissances de la science, ma'rifa, et le but, c'est pas de mettre en application, c'est un argument contre l'insan. Toutes les causes qu'il a détaillées plus tôt, rahimahullah, dans hadha al-fasl, qu'on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, ça revient à ce fondement qu'il vient de citer. At-tadabbur, méditer sur les textes du Coran et de la Sunna, méditer sur la création d'Allah Azzawajal, rechercher la vérité, et le but de cette recherche, c'est la mise en application. Ça doit être l'objectif de l'être humain. Et c'est cela la cause pour augmenter la foi. Et Al-An, il a cité, Rahimahullah, At-Tafsil, et c'est des points importants. Qala Rahimahullah, wa amma At-Tafsil. فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. التفصيل c'est le détail. Après avoir cité la façon pour augmenter sa foi de manière générale, هنا يدتاي. Il a détaillé. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. أي la foi elle augmente pour plusieurs raisons. Tu dois faire plusieurs choses pour que ta foi elle augmente. قال Voilà le premier point. Minha, bel a'zamuha. Il a cité le point le plus important. C'est quoi la chose la plus importante à faire pour que notre foi elle augmente? Qala ma'rifatu asma'illahi al-husna al-waridati fil kitab wa sunna wal hirs ala fahmi ma'aniha wa at-ta'abbud lillah fiha. Connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il aimera Allah azza wa jal. Celui qui connaît vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il va craindre Allah azza wa jal. Celui qui connaît vraiment Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, il va espérer min Allah azza wa jal. Enfin, tout le bien, il réside dans هذه المعرفة, dans هذا العلم, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu que l'iman, la base de l'iman, c'est l'iman billah, la base de la foi, c'est la foi en Allah Azza wa Jal. Cette foi doit être fondée sur l'ilm. Wa illa, celui qui a cette foi, cette aqidah, et il ignore c'est qui Allah, les noms d'Allah, les attributs d'Allah, là, chacun il aura du mal à augmenter sa foi. Et il pourra être attaqué, touché, atteint par des choubes, par des ambiguïtés. قال معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. Ça, c'est la première précision. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna authentique. Ou il y a certains noms qui sont propagés. Et les gens pensent que c'est des noms d'Allah. Il n'y a aucun délit. Et Asma'ullah tawqifiyya. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prétendre que tel nom c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit absolument avoir un texte. Imma du Coran, imma de la Sunna. Ou les deux. على كل حال مينيموم ان دليل pour pouvoir prétendre que c'est un nom d'Allah عز وجل. قال والحرص على فهم معانيها. Donc هذا c'est un point important, ce n'est pas une simple mémorisation. Mémoriser une centaine de noms ou les 99 noms qui sont propagés dans certaines images, dans certains cadres, et ça s'arrête là. Là, c'est connaître ces noms والحرص على فهم معانيها. Ces noms, ils ont un sens azim. Wallillah il asma ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié ces noms de husna. De husna, c'est des noms parfaits. Des noms qui renferment des attributs parfaits. Et ces attributs, ils ont un sens. Donc ça donne un sens à ce nom, un sens azim. Qala wa ta'abbud lillah fiha. Kadalik, cette connaissance, labud min amal. On lit ad-dalil. Qala faqad thabata fi sahihain. عنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala 99 noms, on a traduit par parmi les noms d'Allah azza wa jalla, لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il a plus de 99 noms, il n'y a aucun doute. لكن قال إن لله, et parmi tous ces noms, certains on connaît, certains on ignore. Enfin, il y a 99 noms, mi'a illa wahid, man ahsaha dakhala al-jannah. Donc, celui, alladhi ahsa, on ne peut pas traduire par mémoriser, on ne peut pas traduire par apprendre, man ahsaha, c'est plus vaste. Ce n'est pas une simple mémorisation. Il y a, on ne le traduit pas. Man ahsaha, il rentrera au paradis. Ça veut dire quoi, man ahsaha? Qala al-shir sa'di rahimahullah, ay man hafidhaha. Awalan, celui qui les mémorise. Il les connaît par cœur. وَفَهِمَ مَعَانِيهَا. Il connaît le sens. Il connaît le sens. Pas avec ses passions. Pas avec un tel a dit. Pas avec une simple traduction sans source. Il connaît le ma'na à la fahm as-salaf as-salih radiyallahu anhum. Comme les compagnons, ils ont compris, et les imams de la guidée qui sont venus après eux. Et en suivant la voie des salafs. قَالَ وَعْتَقَدَهَا. Donc, il mémorise, il connaît le sens, il a la conviction que c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, wa ta'abbada lillah biha. Et kadhalik, il met en application. On prend l'exemple de Ism al-Basir. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. On a un dalil min al-Qur'an et beaucoup de adilla fi al-Qur'an wa fi as-sunnah, an Allah c'est le Basir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, le Basir, et le sens, c'est qu'il voit. Il voit tout. Donc si on met en application, tu dois connaître le nom, tu dois connaître le sens. Allah c'est le Basir, donc il a l'attribut de Al-Basar, et Al-Basar il est parfait, il voit tout. Il voit tout, il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, min sagir, ou kabir, ou zahir, ou khafi. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, azza wa jal. Qala wa'taqadaha, la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut. Contrairement aux égarés, ils disent que Allah azza wa jal, c'est le basir, lakin bila basar, aqidat al-mu'tazila, ils ont rejeté les attributs. Wa'ta'abbada lillah biha. Et kadalik, hadhihi al-ma'rifa, cette aqidah, elle le pousse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est l'heure de la salat, et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné cette salat. Enfin, ça le pousse à se lever, à faire les ablutions, à l'wudu, et à faire la salat. Hakad al-haram. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, lui a interdit telle chose. Enfin, même s'il est seul, loin du regard des gens. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. C'est ça, at-ta'abbud bi hadha al-ism. On peut prendre un exemple encore plus important. Ism Allah azza wa jal. Ism Allah. On connaît tous ce nom. Et ma'na Allah, c'est dhul uluhiyya ou al-ubudiyya ala al-nasi ajma'in, comme ja'a an Ibn Abbas radiyallahu an. Ay Allah, ça vient de al-ilah, ay dhul uluhiyya, est celui qui mérite l'adoration. Donc on doit avoir cette aqida que Allah, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Kadhalik nata'abbad lillah bi hadha al-ism. On doit adorer Allah seul. On ne doit pas adorer de mort, ni de tombe, ni un être humain, ni un djinn, ni un ange, ni n'importe quelle créature. On doit adorer Allah seul. Enfin, celui qui connaît 99 noms, avec cette façon, cette manière que Cheikh Saadi l'a cité, c'est l'explication du hadith. C'est Amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahsaha. C'est pour ça qu'on n'a pas traduit. Man ahsaha, c'est le fait de mémoriser, comprendre, avoir la conviction que c'est vrai, mettre en application. C'est ça, qawluhu ahsaha. Donc celui-là, قال دخل الجنة, il rentrera au paradis. Voilà choc. L'imam Ali, il y en a celui qui connaît les 99 noms. On ne dit pas les 99 noms, il y en a beaucoup plus. On dit celui qui connaît 99 noms. Et il les met en application, le choc, il va adorer Allah seul. Il va suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va faire énormément de bien. Il va appliquer son din. Fahada, il n'y a aucun doute. Aucun doute, il rentrera fil Jannah. Amma ba'd al-juhal, certains ignorants, ils ont pensé que c'était connaître la liste, 99 noms. Même si l'insan ne fait rien, il connaît ses 99 noms par cœur, et ça le sauvera. Même s'il adore autre qu'Allah, même s'il ne fait pas salat, même s'il fait toutes les injustices et les péchés possibles. Ça, c'est de l'ignorance. قال رحمه الله فعلم أو قبل ذلك والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. وهذا لا شك فيه. Et ceux qui rentreront fi al-jannah, c'est que les croyants. قال فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها. Vu que ce qui est une cause pour rentrer fi al-jannah, ça fait partie de la foi, parce que ceux qui rentreront fi al-jannah, c'est que les croyants. هذا, ça nous montre أن parmi les plus grandes causes pour avoir la foi, c'est de connaître Allah Azza wa Jal, connaître ses noms et ses attributs. On précise les attributs, l'imam Ali, chaque nom, il renferme forcément un ou plusieurs attributs. Donc, al-iman bil asma, forcément, ça implique al-iman bil sifat. Qala, rahimahullah, wa ma'rifatu al-asma il-husna, hiya aslu al-iman, wa al-iman yurji' ilayha, la base de l'iman. Cette foi qu'on étudie dans ce livre, la base de hada al-iman, c'est al-iman billah. Et min al-iman billah, c'est d'avoir la conviction que Allah il a des noms parfaits, des attributs parfaits. قال والايمان يرجع اليها ومعرفتها تتضمن انواع التوحيد الثلاث. توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه, بعض العلماء يديز الالوهيه, بعض العلماء يديز العباده, بعض العلماء يديز العبوديه. Tout ça, c'est des noms pour le même ma'na. Wa tawhidu al-asma wa sifat. Donc, al-iman, ma'rifatu hadhihi al-asma, tafadhamman, ça englobe les trois catégories de al-tawhid. Pourquoi? Il y en a, tu as des noms, la shak, le sens, c'est tawhid al-rububiyya. Comme ism al-rab, ism al-khaliq, ism al-razzaq. Tout ça, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Rab. C'est lui le créateur, c'est lui qui donne, c'est lui qui guide Azza wa Jal, etc. Enfin, c'est le Rab. Il y a des noms qui montrent Tawhid al-Uluhiyya. Ben, les noms qui signifient, qui ont le sens de Rububiyya, ça implique qu'on doit adorer Allah. L'imam al-Aliyana, si c'est Rab, si on reconnaît Tawhid al-Rububiyya, ben, ça va impliquer qu'on l'adore. Et il y a des noms qui sont clairs fi Tawhid al-Ilahiyya, al-Uluhiyya. Comme Allah, comme l'Ilah, on a cité l'exemple. Et bien sûr, tous ces noms et ces attributs, ça fait partie de Tawhid al-Asma wa Sifat. Enfin, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du Tawhid, avec ces trois catégories. قال وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. نعم. وقوي كذلك توحيده. Il a fait le lien, rahmatullah alayhi, entre l'iman bil asma et les trois catégories de tawhid. Enfin, si tu veux augmenter hadha l'iman, tu veux renforcer ton tawhid, fais des efforts pour apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-mu'allif rahimahullah ta'ala, il a une risala nafisa sur l'explication des noms d'Allah azza wa jal. Très très simple. Et dans plusieurs livres, il a expliqué les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son tafsir du Coran, dans son livre Fath al-Ali al-Rahman, ou un unwan proche de ce que je viens de citer, autres. Et ils ont été regroupés dans un livre qu'on a étudié il y a quelque temps avec nos frères, walillahil hamd, qu'on a propagé. L'explication des noms d'Allah de Cheikh Saadi. Un livre très très bénéfique, très simple, très résumé. Quelques assises et tu vas apprendre l'essence de beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus de 99. C'est la première étape. On ne va pas perdre notre temps dans qu'il ou qu'il, un tel il a dit, un tel il va faire, un tel il est comme ça, alors qu'on n'a pas donné de temps pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas là pour adorer les gens, satisfaire les gens. Bardonnes, leur principale préoccupation, c'est qu'un tel il soit d'accord, qu'il ne soit pas critiqué, que. Ah, on doit oublier. Ridhanas, raïatun la tudrak, comme qu'a l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi. Satisfaire les gens, c'est pas possible. Ne te fatigue pas. Fais tout pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Et pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le connaître. Comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? En apprenant ses noms et ses attributs, Jalla wa ala. Et en apprenant l'iman, en apprenant al-tawhid. Taqaddam ma'ana dans kadalik l'explication de al-usul al-thalath, anna le premier fondement, ma'rifatullah. C'est cette question qu'on te posera au départ dans ta tombe. Man rabbuk, c'est qui ton Rabb? Ce n'est pas la langue qui répondra, huna. C'est l'iman, c'est ta foi. Et là, chacun a celui qui connaissait Allah fi dunya, qui a donné du temps pour connaître Allah, qui a mis en application, qui était convaincu. Là, chacun qui répondra. Man rabbuk, rabbi Allah. Très simplement. On doit se préparer. C'est ça notre objectif. Ça doit être en tout cas notre objectif. Qala rahimahullah fa yambari lil mu'min an yabdhula maqdurahu wa mustata'ahu fi ma'rifati al-asma'i wa sifat. Ça, ça nous montre que ça demande des sacrifices, un effort. Fayambari lil mu'min, à chaque croyant, an yabdhul, faire un effort. Maqdourahu, selon tes capacités. Fi ma'rifati l'asma wa sifat. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par du temps. Si tu ne donnes pas de temps, ça ne viendra pas tout seul. Tadkuru, la parole de Cheikh Saadi, à chaque chose, elle a des causes. Enfin, pour atteindre plutôt, hadha al-matlab al-azim, c'est l'objectif le plus important. La croyance en Allah, connaître ses noms et ses attributs, tu dois donner du temps. Comme un voyage, quand tu voyages, tu ne te prépares pas. Tu es obligé de te lever, te préparer, etc. Ton moyen de transport, acheter certaines choses et tu te prépares. Enfin, tu dois te préparer pour hadha, c'est la chose la plus importante. On commence par le premier nom, l'ulama dit c'est Ismullah al-A'zam, le nom Allah. On le dit tous les jours. Allahu Akbar, Bismillah. On l'emploie tous les jours, dans la salat et en dehors de la salat. Ça veut dire quoi, Allah? Qu'est-ce que ça veut dire? Fais un test autour de toi, auprès de tes proches et demande-leur c'est quoi? Ça veut dire quoi, Allah? Ça veut dire quoi, Allah? Tout le monde va répondre, c'est le nom d'Allah. Mais je veux une définition, ça veut dire quoi? C'est un nom parfait? Les noms parfaits, ils ont forcément un sens. Ça veut dire quoi? Et tu verras que le problème de notre communauté, il est là. Il est là, une communauté qui connaît pas son Rabb, ou qui le connaît mal, qui ne fait pas d'efforts via Allah, là, je sais que ça sera une communauté avec des faiblesses, beaucoup de manquements. Nous, si on veut être utile pour nous-mêmes et pour la communauté, on commence par Allah. Et on délaisse Al-Qil wal-Qal. Bardonnas, ils ne connaissent pas Allah et ils parlent toujours. Tel gouverneur, la politique, Anahu, il va changer les choses. Personne ne l'écoute, le miskin. On ne doit pas se fatiguer. On peut être utile, nous, deux choses. Apprendre notre din. Et on commence par hadha l'iman et on commence par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Et la'allah subhanahu wa ta'ala yafta alayna et notre parole elle est écoutée, on pourra faire du bien avec l'ilm. Deuxième point, ad-du'a, faire des invocations. À notre niveau, c'est ça. Faire des efforts dans l'ilm et faire des invocations. Pour les gouverneurs, pour les musulmans, etc. Amma, qu'il wa qal, toute la journée, les réseaux sociaux, des messages, un tel il a fait, ils vont faire la politique, les vaccins, et qu'elle aime faire toute la journée. Et à la fin, qu'est-ce que tu as changé? T'as rien changé. Ben, ces choses, ça t'éloignera de ton objectif, ta priorité. Connaître Allah, ses noms et ses attributs. On dirait une mas'ala. Cette épidémie, cette pandémie, ce virus, on dirait qu'il toute la journée, ils en parlent plus que l'iman et l'aqid. Wallahi, ba'doum, ils ont des connaissances dans le virus, dans les vaccins, dans le kalam, etc. Tout ce tapage de haine qu'on entend, wallahi, plus que dans les noms d'Allah et les attributs. L'iman, ça a touché un point sensible, la santé. Ça a touché un point sensible, ad-dunya. Donc, ils font tout pour préserver cette chose sensible. Et on doit donner du temps, bien sûr, pour préserver notre santé, etc. Lakin, si ça prend plus de temps que préserver l'au-delà, il y a un problème. Il y a un problème clair. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jal et ne pas suivre la vague. Ne pas suivre la vague. Apprends ton din. Si tu restes vivant, tu seras à la khair. Si tu meurs, que ce soit un virus ou autre, alhamdoulilah, tu seras à la khair et on va tous mourir. Et tartah. Tartah et tu apprends ton din et tu avances. قال رحمه الله وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل. Donc il a fait هنا une remarque très très importante. Même la façon d'apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, comme on a précisé auparavant, c'est selon la voie des salafs. On fait attention à هذه المعرفة, elle ne soit pas entachée, souillée par داء التعطيل, cette maladie عياذا بالله de at-ta'til. بعض الناس يدين نعم الجهميه المعتزله etc. بعضهم يدين نعم الله البصير لكن il a pas de basar. هذا cette معرفه elle est souillée par at-ta'til. Elle ne vaut rien. كيف الله سبحانه وتعالى c'est le basir et on peut pas dire qu'il voit. Enfin tu viens de dire que c'est le basir. قال رحمه الله ومن داء التمثيل. C'est deux maladies. C'est deux choses qui font beaucoup de mal. Wa'adhum kadalik, ils pensent que si tu dis que Allah il voit, il entend, il a des mains, il a un visage, wa'adhum ils s'imaginent un être humain. A'oudou billah min ad-dhalal. Allah subhanahu wa ta'ala qala laysa kamithlihi shay. Et dans le même verset qala wa huwa as-sami'ul basir, pour te montrer qu'il a des noms et des attributs et Allah il ne ressemble pas aux créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé avant de créer cet être humain. Enfin, kif comparer Allah subhanahu wa ta'ala à l'être humain? Allah il a toujours existé. Allah, il avait des mains, un visage. Il a toujours eu des mains, un visage. Il a toujours vu, toujours entendu. Alors que Adam, il n'était pas créé. Adam, c'est minas safah. Donc, on a cette aqida. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a des noms. Ces noms, ils renferment des attributs. Ces attributs, on ne les rejette pas. On dit que Allah, il voit, il entend. Il s'est élevé au-dessus de son trône. Il a des mains, un visage, etc. Sans faire de tamthil. Et on dit, Allah, il ne ressemble pas à la créature. Allah, ses attributs sont parfaits. L'être humain, ses attributs, ils sont faibles. Ils ont des manquements. Maintenant, on accepte tout ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le hayy. C'est le vivant. C'est un nom, min asma'illah, al hayy. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, si c'est le hayy, donc il est vivant. Donc, il a l'attribut de la vie. En tant qu'être humain, toi aussi, tu es vivant. Qala azza wa jal, yukhriju al hayy min al mayyit. En parlant d'être humain. Donc, il a appelé l'être humain al hayy. Et tu as une vie en tant qu'être humain. Lakin, ta vie, elle est faite de faiblesses, de manquements, d'imperfections. Kadalik, à un moment donné, tu n'avais pas de vie. Allah, il t'a créé à partir de rien. Et kadalik, tu goûteras à la mort. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, sa vie, elle est parfaite. Donc, si on accepte cela pour l'attribut de la vie, c'est le cas pour tous les attributs. قال الذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الجهمية, bien sûr, المعتزلة, et كذلك الأشاعرة. Dans ce bab. Certains ils se sont égarés, plus leur égarement il est plus grave que d'autres. Lakin, ils se sont tous égarés via le bab. قَالَ بَلْ تَكُونَ الْمَعْرِفَةُ مُتَلَقَّاتًا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Tu dois avoir cette base, cet effort que tu veux faire, ces recherches que tu veux faire, cet apprentissage concernant les noms d'Allah et les attributs par rapport au Coran et à la Sunna. Et revient au livre de Shir Sa'di, pour les débutants, il est très très profitable. Chaque nom avec un dalil min al-Qur'an ou min al-Sunnah. قال وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذه المعرفة النافعه التي لا يزال صاحبها في زياده في ايمانه وقوه في يقينه وطمانينه في احواله. نعم، سي لا باز دو بونور، سي لا كوز بور كو الله سبحانه وتعالى تو راجوت من نعمه، كو سا سوا دي نعم كونسيرنون طون دين، لا غيدي، لا سيونس، لا فوا، او دي بيانفي كونسيرنون سو با موند. فنسال الله سبحانه وتعالى من فضله، ونكتفي بهذا. يوم باس سي راس دو طون à la fatwa. On a fini, walillahi alhamd, donc le premier sabab. On a vu la cause min hayth al-umum, généralement pour augmenter sa foi, faire des efforts dans la méditation du Coran, de tout ce qu'Allah il a créé, connaître la vérité, suivre la vérité, adorer Allah seul, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre en application la science. Thumma, il a détaillé en citant plusieurs causes. La première cause, connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. C'est la première cause pour augmenter sa foi et on essaye de mettre en application. Le but, c'est de mettre en application. À connaître ces causes, comment on ne met pas en application, au contraire, ça devient un argument contre l'insan. Hujjatun alayh. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq lil jami'.